Dosis sola facit venenum, c'est la dose qui fait le poison, mais c'est aussi parfois l'usage. Qu'est-ce qui fait la différence entre une drogue et un médicament? Pourquoi certaines molécules à usage récréatif sont-elles frappées du sceau de l'infamie pharmacologique? Les barrières commencent à tomber progressivement si de plus en plus de pays légalisent aujourd'hui le cannabis à usage thérapeutique. Ils sont une trentaine en tout. La France, elle, semble encore et toujours résister à la commercialisation de ces traitements contre certaines formes d'épilepsie, la sclérose en plaques ou les douleurs chroniques. Et derrière les cannabinoïdes, ce sont toute une famille de molécules qui redeviennent fréquentables avec modération. Drogue à usage médical, peut-on légaliser sans douleur? C'est le programme stupéfiant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces usages, la législation et les réticences autour des applications thérapeutiques de ces drogues considérées comme récréatives et de la recherche les concernant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Tassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche émérite INSERM à Paris-Sorbonne, et William Lovenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste des addictions et président de SOS Addiction. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct, en différé sur franceculture.fr ou en podcast via votre application favorite, notamment les applications de France Culture ou de Radio France. Et je le disais donc dans l'introduction, il n'y a pas que la dose qui fait le poison, il y a aussi l'usage. Qu'est-ce qui différencie une drogue donc d'un médicament? La langue anglaise utilise d'ailleurs le même mot pour désigner les deux, on parle de drug. Écoutez la réponse que donne à cette question le neuropsychiatre Cyril Coupernic sur les ondes de France Culture le 27 novembre 1975. Il y a effectivement un dénominateur commun entre ce qu'il est légitime d'appeler drogue et ce que nous appelons médicament, psychotrope. C'est un mot néo-grec, nous n'avons pas trouvé d'autre, il n'est pas très satisfaisant. Il signifie simplement que certains médicaments ont une action spécifique sur certaines zones cérébrales où s'intègrent, où se produisent certaines des opérations qui ont trait au psychisme. Ma thèse est que ce qu'on appelle à juste titre les drogues infléchissent toujours ce comportement dans un sens défavorable et quelquefois tragique. Et qu'en outre, il se produit avec elles un phénomène peut exister également avec les médicaments, mais qui est tout de même infiniment plus rare, et qui est celui de l'asservissement, c'est-à-dire de l'accoutumance, de l'impossibilité de se passer d'une drogue qui devient une véritable façon d'exister. Voilà, issu de l'émission Biologie et médecine sur France Culture en 1975, votre réaction à cette distinction entre drogue et médicament par Cyril Coupernic et William Lovenstein? Oui, on pourrait le reprendre avec des mots peut-être un peu différents, je ne vais pas dire plus précis, mais ce qui caractérise en fait la différence entre une pharmacodépendance à un médicament et ce qu'on appelle une dépendance au stade ultime de ce feuilleton des addictions, usage, abus et dépendance, c'est sans doute, je crois, c'est asservissement qui avait été prononcé là, c'est sans doute cette perte de contrôle. Cette boulimie qui ne cesse lors d'une addiction d'être présente et donc qui impose une impériosité de consommation malgré la connaissance des conséquences négatives qu'elle entraîne. On appelle ça, avec Laurent Carrella, la règle des 5 C, vous voyez, pour la perte de contrôle, la continuité, le craving, l'impériosité et la connaissance des conséquences négatives. Ça précise un peu ce qui a été dit là. Et il faut bien comprendre que quelqu'un qui a, par exemple, un traitement par des corticoïdes, par d'autres médicaments, opiacés notamment, par des opioïdes, le but est de le stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pharmacodépendance, mais c'est de toujours rechercher l'absence de perte de contrôle. On comprend bien qu'il y a dépendance, hein, quelle que soit la drogue au sens anglais du terme ou à l'acception anglaise, c'est-à-dire qu'elle soit dite récréative, donc interdite, ou pharmacologique, donc autorisée. Mais sur cette distinction justement entre drogue récréative et médicaments, c'est-à-dire Jean-Paul Tassin. Par rapport à ce que vous venez de dire, on dit en anglais, on dit « drugs of abuse ». On ne dit pas « drugs » maintenant, on a commencé à changer les choses. Et puis par rapport à ce qu'il disait Copernic, c'est, je crois qu'il y a un point, c'est que lui définit la drogue comme étant, comme n'ayant que des effets négatifs, ce qui est évidemment faux. Si vous prenez la morphine, qui est une drogue, l'héroïne, il n'y a pas que des effets négatifs. L'amphétamine, la cocaïne ont aussi des effets positifs. Et maintenant, on va parler du cannabis, probablement. Bien sûr, dans quelques instants. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que toutes ces drogues aujourd'hui interdites, tous ces stupéfiants, alors utilisons le mot stupéfiant pour les drogues interdites, ont été et ont eu des usages médicaux, chirurgicaux, bien pharmacologiques, on peut le rappeler. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, l'héroïne a été fabriquée, a priori, pour faire une meilleure morphine. Bon, malheureusement, elle était tellement... Pour se substituer à la dépendance à la morphine. Voilà, c'est absolument. Incroyable. Absolument. Oui, donc, bon. Alors, c'est une petite erreur, puisque après, il y a eu d'autres conséquences. Oui, dans cette indication, si j'ose dire. Voilà. Mais ce que disait Jean-Paul Tassin, vous voyez, sur événements désirables, événements indésirables. C'est ce qui va piéger, en effet, l'histoire de l'addiction. Parce que une addiction, encore une fois, dans ce feuilleton usage, abus, dépendance, commence par la rencontre d'un cerveau avec des fonctions positives initiales. On entendait psychotrope, psychoactif. Qu'est-ce que ça veut dire, plus simplement, plutôt que d'évoquer que des régions cérébrales? Ça veut dire que ces substances vont apporter des événements désirables que le cerveau va faire reproduire sur l'humeur, sur le sommeil, sur la relation aux autres, voire même sur notre pensée. Et c'est après que les événements indésirables, comme il existe des infections nosocomiales, si j'ose dire, comme il existe des troubles opératoires, vont arriver. Donc attention, les gens ne prennent pas des substances psychoactives juste pour embêter leurs parents ou leur société. Bien sûr. La question est de savoir si ces effets désirables, ils sont désirables d'un point de vue médical ou d'un point de vue individuel. Dans certains cas, ils sont les deux. Enfin, ils peuvent être désirables pour des raisons individuelles. Mais il faut peut-être rappeler tout de suite que toutes les drogues qui déclenchent de la dépendance ne le déclenchent pas chez tous les individus. Loin de là. C'est que les pourcentages... Pas de la même façon, en tout cas. Pas de la même façon, mais surtout, les pourcentages sont impressionnants. C'est-à-dire que parmi ceux qui prennent de la cocaïne, eh bien, vous n'en avez que 12% qui vont devenir dépendants. Si vous prenez du tabac, qui est finalement le produit le plus addictif, vous arrivez à 27%. Donc c'est assez surprenant. Et pour l'alcool, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que on a des pourcentages de gens qui ne deviendront jamais dépendants, bien qu'ils prennent des drogues, qui est largement supérieur à la moitié, enfin qui est de l'ordre de 80-90%. La question qui plane souvent sur cette distinction entre drogue et médicaments, c'est qu'est-ce qui a fait basculer telle molécule d'un côté ou de l'autre de la barrière de l'autorisation. Alors il y a évidemment la convention unique sur les stupéfiants de l'ONU en 1961, l'histoire voudrait ou raconte, et je vais vous laisser réagir à cette légende qui n'en est peut-être pas une finalement, que au moment du développement des opioïdes, il y a eu un gros lobbying justement aux États-Unis des producteurs d'opioïdes et de médicaments de type morphinique contre les cannabinoïdes pour justement parce qu'ils y voyaient une forme de concurrence déloyale et donc une grande campagne dans la presse, etc., et qui fait que les opioïdes seraient restés, donc, pour leur vertu thérapeutique utilisée en pharmacologie, et la recherche sur les cannabinoïdes, du coup, frappée du sceau de l'infamie, vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que, on le verra tout à l'heure, c'est que les opioïdes, c'est relativement simple. On sait comment ça marche. On sait qu'il y a des récepteurs, il y en a trois, mais on sait comment intervient la morphine. Pour le cannabis, c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'il y a des récepteurs, mais on arrive à quelque chose de complètement différent, puisqu'il y a 144 produits dans le cannabis, 144 cannabinoïdes. Donc certains qui sont très connus comme le tétrahydrocannabinol, un autre qui est un peu moins connu qui est le cannabidiol, le CBD, et puis il y en a 142 autres dont on parle jamais, et qui interviennent évidemment selon la souche et selon l'individu. Donc on verra ça tout à l'heure, je pense. William Levenstein, sur cette bascule alors, entre l'interdit et le stupéfiant. Sur la crise des opioïdes, la rivalité avec le développement des cannabinoïdes, la rivalité aussi avec l'alcool, hein, parce que plus il y a de cannabis, moins il y a de consommation d'alcool. Donc il y a des enjeux commerciaux qu'on va retrouver dans le monde entier. Il peut être aussi intéressant de se souvenir, il y a un peu moins d'un siècle, qu'après l'échec de la prohibition contre l'alcool aux États-Unis, qui imposait déjà quelques idées comme ça mondiales, il y avait une énorme administration qu'il fallait recaser, qui s'était battu contre, et pas que les incorruptibles, hein, contre l'alcool. Et comme par hasard, on a là le premier élan, pour avoir travaillé historiquement avec Bertrand Lebeau, Didier Gelle et d'autres, cette histoire de la prohibition, on a là tout d'un coup un engagement de l'État américain dans la lutte contre le cannabis qui n'avait jamais atteint ses sommets. Donc c'est assez polyfactoriel parce que même la prohibition de l'alcool, vous allez avoir des réunions, si j'ose dire, assez incroyables, des alliances assez incroyables entre les féministes, quand on marque que les maris tapent sur leurs femmes sans conséquences ou presque, les ligues les plus catholiques qui veulent s'opposer à un certain nombre de dérives comme ça qui seraient venues du diable, et on va avoir des trucs comme Alcoolique Anonyme, et l'ensemble fait une ambiance prohibitive que bien sûr la science n'aurait jamais dû accepter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on le répète depuis Rock, de fondement scientifique sérieux pour distinguer finalement dans les addictions les drogues licites, alcool ou tabac, des drogues illicites, héroïne, cocaïne ou autre. Et sur ce lien entre développement ou en tout cas lobbying pharmaceutique pro-opioïdes et anti-cannabinoïdes, le lien est fait que les pays qui ont la législation aujourd'hui la plus rigide sur les cannabinoïdes thérapeutiques sont en général ceux qui ont la plus grosse production légale d'opiacés pharmacologiques, dont la France, hein, qui en produit 21% au niveau mondial et qui a une des législations les plus dures sur la recherche pour le cannabis. Mais je crois que pour les morphines, tous les opiacés, les chercheurs se sont fait avoir d'une certaine façon. Parce que on le sait depuis longtemps, 30 ans, que si vous traitez des gens qui souffrent avec des produits opiacés, si vous gardez la dose adéquate, vous n'avez que 1 sur 5000 qui déclenche une dépendance. 1 sur 5000, ce qui est incroyable. En revanche, si vous dépassez les doses, là, vous déclenchez le phénomène de dépendance. Et ça, on sait très bien que si on ne dépense pas, si on ne dépasse pas la dose, il n'y a pas de problème. Et donc, ce dépassement de dose, on se demande pourquoi il est arrivé, qu'ont fait les médecins, qu'ont fait les industriels, pour qu'on arrive à des problèmes comme on a aux États-Unis avec 200 000 morts d'overdose. Et qu'ont fait les tutelles de ces pays-là? Parce que la plus grande surprise, c'est quand même de se dire comment au début des années 2000, cette fameuse FDA, dont la rigueur n'échappe à personne sur certains dossiers, a pu permettre dans l'ambiance américaine des autorisations pour des opioïdes légers, comme il était dit, qui n'entraînaient ni dépendance ni overdose. Ouais. Sur les 73 000 ou 75 000 décès par overdose à l'heure actuelle aux États-Unis, mais aussi au Canada, qu'il faut pas oublier, la moitié sont dues finalement à ce libéralisme et cette étonnante autorisation de la FDA. Et puis aussi à cette argumentation de pseudo-dépendance. Il a été dit par les avocats que, en fait, c'était pas une vraie dépendance, c'était une pseudo-dépendance. C'était n'importe quoi. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc aujourd'hui de la recherche autour des drogues à usage médical. Alors évidemment, il va être question de ce spectre que représente aujourd'hui ce drame lié qu'on appelle la crise des opioïdes aux États-Unis, qui fait, alors je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais en tout cas plus de 100 000 morts, autour de 100 000 morts les années passées. Nous en parlons avec Jean-Paul Tassin et William Lovenstein. On va parler maintenant justement de cette recherche et du débat qui a été soulevé très récemment autour de la recherche sur les cannabinoïdes à usage thérapeutique. Et on va voir qu'effectivement, les choses sont un peu plus complexes qu'elles ne paraissent de prime abord. Je le disais tout à l'heure, une trentaine de pays ont autorisé les dérivés du cannabis pour certains traitements bien précis. On va voir lesquels. En France, la France est l'un des pays qui est le plus résistant culturellement à cette recherche même et à la commercialisation, puisqu'on va voir qu'il y a très peu de médicaments qui sont commercialisés et qui touchent quasiment personne, qui ne sont quasiment pas prescrits. Oui. Jean-Paul Tassin. Bon, je sais pas. Pour répondre correctement, il faudrait faire un tout petit peu de neurobiologie. Bien sûr, avec grand plaisir. Le principe, en général, dans le cerveau, vous avez des libérations de molécules qui sont des neurotransmetteurs qui transmettent l'information, qui sont synthétisées, fabriquées, donc, et libérées par des neurones. Ça peut être le GABA, ça peut être l'acide glutamique. Et ces molécules vont sur leurs récepteurs qui sont en face, de l'autre côté de la synapse, en postsynaptique. Et le cas tout à fait exceptionnel du cannabis, c'est qu'il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire lorsque le récepteur reçoit un message, que ça soit du glutamate ou du GABA, il renvoie vers le neurone émetteur un signal qui va arriver au niveau des CB1. CB1, c'est les récepteurs au cannabinoïdes. Au cannabinoïdes. Dans le cerveau. Notamment au THC. Notamment au THC, mais pas seulement. Mm. Bon. Donc, il fonctionne à l'envers. Ça veut dire qu'il régule. Or, qu'est-ce que le GABA et le glutamate? Le GABA et le glutamate sont deux neurotransmetteurs et l'ensemble de ces neurones qui libèrent ces deux molécules, alors qu'il y en a évidemment beaucoup plus, représentent 80% de l'ensemble du fonctionnement du cerveau. 80% des neurones du cerveau. Donc c'est énorme. Et c'est non seulement énorme, mais ça va avoir évidemment des influences de tous ordres. Donc évidemment, lorsque l'on va stimuler les récepteurs au CB1, au cannabinoïde, on va modifier la libération de GABA, qui inhibe, et modifier la libération de glutamate, qui active. Donc on va faire tout et un peu n'importe quoi. En même temps. En même temps. Ce qui explique d'ailleurs les effets très vastes du THC, c'est-à-dire l'appétit, voilà, le sommeil, tout. Par exemple, pour l'épilepsie, on sait que l'épilepsie, c'est un déséquilibre entre le GABA et le glutamate. Or, c'est précisément là-dessus que le THC va agir. Donc, on peut imaginer que dans certains cas, mais attention, pas dans tous, ça va être un anti-épileptique, mais pas chez d'autres personnes, etc. L'exemple de l'appétit est évidemment du même ordre. Donc, que faire? Et c'est là où ça devient un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas exactement comment va agir le produit. C'est pas une molécule que l'on administre, sur laquelle on va pouvoir prendre 300 patients, leur envoyer la molécule et dire, ben voilà, ça marche pas. On peut pas faire ça avec le cannabis, parce que pour ces 300 patients, vous aurez des résultats totalement différents, avec la même dose de cannabis. Ces résultats différents, ils s'expliquent comment? Ben, ils s'expliquent parce que vous avez, d'une part, les récepteurs CB1, j'ai oublié de le dire, mais ce sont les récepteurs qui sont les plus denses dans le cerveau. Donc, non seulement, ils ont un rôle très, très particulier, puisqu'ils agissent sur cet activateur et sur cet inhibiteur, mais en plus, ils sont très nombreux. Donc, et cette proportion va être différente selon les individus. Bon. Et ils sont plus ou moins sensibles à certaines molécules. Je vous rappelle, 144 molécules. Donc, il y a de quoi faire. Et là, on peut comprendre qu'on ne lance pas un produit de cet ordre, soit sans l'avoir complètement purifié, ça c'est la première chose, soit sans en avoir fait une étude vraiment relativement approfondie. Alors, on va revenir justement sur la littérature scientifique à ce propos, qui est souvent critiquée. Peut-être peut-on dire un mot aujourd'hui, William Loewenstein, de l'état aujourd'hui de la commercialisation de ces molécules en France. Il y a trois médicaments, le Marinol, le Sativex et l'Épidiolex, qui sont prescrits, mais de facto très peu, voire carrément pas commercialisés. Pourquoi est-ce qu'il y a et comment on explique cette frilosité française par rapport à d'autres pays qui ont une politique beaucoup plus libérale quant à l'usage, et on va expliquer lesquels aussi, de ces dérivés cannabinoïdiques? Alors, je pense qu'il y a à la fois des raisons, on va dire morales, même si je les trouve plutôt immorales d'un point de vue éthique en général, et des raisons sociétales et puis politiques donc aussi, et puis des histoires particulières. Si on prend le Marinol, qui a été... Alors, expliquez-nous ce que c'est. Le Marinol, c'est un mélange sous forme de comprimé, avec entre autres, des molécules qui ont été citées par Jean-Paul, c'est-à-dire du THC et du CBD. On est au début des années 2000. Grâce à notre ancien ministre de la Santé, Bernard Kouchner, il y a eu un rattrapage dans la lutte contre la douleur, parce qu'on était très, très, très en retard les années précédentes. Souvenons-nous, pour les plus anciens, de cette période où il fallait des carnets à souche pour pouvoir prescrire des antidouleurs opiacés. Et un cancérologue sur trois dans notre pays avait demandé un carnet à souche. Ça veut dire que deux cancérologues sur trois ne s'occupaient pas de la douleur de leurs patients jusqu'à la fin des années 90. On peut noter d'ailleurs, pour l'anecdote, mais oui, c'est quand même significatif, que dans ces années-là, la France, dans le classement justement était des pays... derrière le Pakistan. Voilà. Exactement, et on a connu ça donc avec Bernard Kouchner, et Bernard, en 2001, arrive à obtenir l'autorisation du Marinol, mais aujourd'hui on dirait c'est pas de sa faute, ce sont des technocrates qui étaient encore au pouvoir, que ce soit soit la DGS ou équivalent, dans un cadre d'ATU nominative. Donc, alors, d'autorisation temporaire d'usage. Nominative. C'est-à-dire qu'il faut demander à chaque fois pour un patient l'autorisation temporaire. Le dossier, la commission se réunit, dit oui, dit non au bout de 3 mois, 6 mois. Bref, au bout de 2001, 2019, 18 ans, je crois qu'il y a eu 300 acceptations sur tout le territoire français pour ce Marinol. Pour quelle pathologie exactement? Alors là, en plus, les pathologies étaient, si j'ose dire, très ciblées, puisque c'était les maladies neurodégénératives, du moins les conséquences neuromusculaires des maladies neurodégénératives. On va retrouver ces indications pour le Sativex, annoncé par Madame Marisol Touraine, je ne vais pas dire en grande pompe, mais dans un effort de communication, avant que les différents bureaux et le laboratoire se soient mis d'accord sur le prix. Donc c'était en 2013, dans mon souvenir, 2014. En 2019, il n'y a toujours pas de Sativex accessible. Dans les pharmacies, c'est-à-dire qu'il n'est pas commercialisé. Non, voilà, parce qu'il n'a pas eu d'accord sur le prix. Et le dernier, l'épidiolec, je crois que c'est décembre 2018, avec une indication pour quel traitement importante, qui sont les épilepsies réfractaires, qui ont été citées là tout à l'heure également. Donc là, que ça soit la maladie de Dravet, les Gasto ou autre, c'est un tout petit dans tous les cas, on est quand même sur des pathologies extrêmement ciblées qui concernent relativement peu de patients, Jean-Paul. Enfin, bon, vous avez les douleurs neuropathiques, et puis vous avez la sclérose en plaques. Bon. Donc ça, pour la sclérose en plaques, c'est pour le Sativex. Le Sativex. Mais le point important, c'est qu'il y a des personnes qui vous disent, depuis que je prends ça, c'est fantastique, mais il y a des gens qui vous disent, ça me fait rien. Et là, vous êtes sous une situation tout à fait particulière quand vous donnez de la morphine. En général, ça marche. Quand je dis en général, ça marche dans presque tous les cas. Là, vous ne le savez pas. Et donc, il y a un vrai problème de réaction individuelle qui est lié au produit, mais qui est lié aussi à l'individu. Et ça, là, on est dans la situation maximum, l'éventail est maximum avec le cannabis. Et je pense que c'est ça le problème. Et ça, on a une explication neurophysiologique de cette différence de réaction d'un individu à l'autre. Mais oui, parce que vous vous rendez compte que c'est le récepteur qui est le plus dense dans le cerveau. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une grande variété. Et en plus, c'est un récepteur qui régule les deux fonctions fondamentales, l'accélération et le ralentissement. Donc, vous tapez dans l'hypothalamus, vous tapez dans l'hippocampe, vous tapez dans le cortex, vous avez des problèmes cognitifs, l'hypothalamus, vous avez des problèmes au niveau de l'appétit, etc. Donc ça dépend, il y a des gens qui sont plus sensibles à quelque chose et d'autres le sont à d'autres choses. Donc c'est très difficile de se sortir de cette ambiguïté. William Novenstein. Oui, un petit mot qui va pas alléger en effet la complexité de notre échange, c'est que au-delà de ces différences d'un individu à l'autre, on peut voir aussi des différences intra-individuelles. C'est-à-dire que telle substance va pouvoir, alors on va tel dire jour. À 30 ans, avoir telle fonction tel jour, et puis chez le même individu, on va même dire dans le même environnement, peut-être avoir un effet contraire différent. Ou un effet différent. Donc c'est d'une belle complexité. Après, on a réussi dans la science à screener molécule après molécule, que ça soit le CBD, que ça soit le CBG, que ça soit le CBC, etc. Les différents cannabinoïdes. Mais pour un chercheur, il y a deux choses. D'une part, on peut difficilement travailler sur le tétrahydrocannabinol. Parce que c'est compliqué d'y avoir accès, parce que il faut avoir les autorisations, ça peut prendre plusieurs mois. Et en plus, il faut le rappeler, parce que en tant que neurobiologiste, c'est un produit extrêmement huileux et très difficile à utiliser. Donc, et en plus, qui a relativement peu d'effet chez l'animal. Quand vous injectez au tétrahydrocannabinol un animal, il vous regarde d'un air de dire que j'en ai rien à faire. Si vous injectez un tout petit peu d'amphétamine, il réagit, il est content. C'est complètement différent. Aujourd'hui, que dit précisément la littérature scientifique sur les usages et les effets de ces différents cannabinoïdes sur un certain nombre de pathologies? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une littérature scientifique solide, concordante, sur des cohortes suffisantes pour dire on sait aujourd'hui que tel cannabinoïde, le THC, le CBD, bref, peu importe, a un effet précis sur telle pathologie? Jean-Paul Tassin. Ce qu'on sait de façon à peu près claire, c'est que le tétrahydrocannabinol, THC, va donc agir sur les récepteurs directement. Donc il va avoir les effets que peuvent avoir la stimulation de tous ces récepteurs. Et que le cannabidiol va faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va compenser l'effet du tétrahydrocannabinol. C'est-à-dire que vous avez des effets qui vont à gauche pour l'un et à droite pour l'autre, étant donné que le cannabidiol tout seul n'a pratiquement pas d'effet. Donc c'est en combinaison avec le THC. Comme en plus les souches, les espèces de cannabis sont différentes, elles ont des quantités de THC, des concentrations de THC et de cannabidiol qui sont différentes. Donc, vous voyez, complexité supplémentaire. Mais si je peux en rajouter une, en ce qui concerne le cannabis, c'est par exemple pour le CBD. Quand Jean-Paul dit le CBD n'a pratiquement pas d'effet. En tant que tel. Il aura d'autant plus peu ou pas d'effet que la personne aura consommé du cannabis les années précédentes. Pour des raisons peut-être que Jean-Paul pourrait nous expliquer. Mais il y a ça aussi qui intervient, qui pour nous est passionnant, mais rajoute évidemment un peu de vertige à la complexité. Après, la méta-analyse, je crois qu'il y en a eu une, en tout cas un tour de littérature qui a été effectué dernièrement à la NSM sous la présidence de Nicolas Hautier. L'automne dernier. Voilà, c'est assez récent, on peut s'y référer. C'était des travaux rigoureux, sérieux, bien sûr jamais assez exhaustif pour certains, mais clairement, ils sont plus qu'appréciables, et on peut s'y référer assez facilement sur le site de la NSM, voire même de la MIDECA. Je crois qu'il y a une étude qui va démarrer en fin 2019, justement par ce comité qui est présidé par Nicolas Hautier. Oui, la NSM a annoncé en septembre la création d'un comité scientifique spécialisé sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France, tout cela sous l'impulsion de la ministre de la Santé. Mais j'aimerais qu'on soit assez précis tout de même, Jean-Paul Tassin, sur justement cette méta-analyse, et parce qu'il a souvent été reproché à ses études sur l'effet des cannabinoïdes d'être une littérature scientifique légère, pas fiable, fondée uniquement sur du témoignage en situation de vie, donc pas en essais, en double aveugle randomisé. Pour des raisons qui sont des raisons... Ce que je viens de vous expliquer, c'est que si vous faites des essais en double aveugle randomisé, vous allez avoir un certain nombre de gens qui ne répondront pas et qui vont faire une erreur standard, ce qu'on appelle l'erreur standard énorme. Donc les effets, à la fin, ne seront pas significatifs. Ce qui ne veut pas dire que... Ça n'a pas d'effet sur un certain nombre de personnes. Comme ça n'a pas d'effet sur certaines personnes, ça modifie la moyenne et du coup, vous n'êtes pas différent du placebo. Et vous avez comme résultat, sans effet. Alors qu'en fait, certaines personnes sont extraordinairement modifié par ce traitement. Vous suivez là, c'est clair, et on ne peut pas sortir de ce phénomène. Donc on va voir ce que va faire cette étude, si on va effectivement pouvoir peut-être exclure les gens qui ont répondu que ça ne faisait aucun effet, et puis garder ceux qui ont répondu positivement et essayer d'analyser cela pour comprendre. De toute façon, ce qui est indispensable, c'est faire de la recherche et avoir la possibilité de la faire, ce qui n'est pas facile actuellement en France. On a William Levenshain, en tout cas, pour quelques pathologies précises qui ont été évoquées, aujourd'hui des résultats cliniques manifestement concluants sur certaines douleurs chroniques, sur des nausées et des vomissements suite à des traitements de chimiothérapie. On l'a testé en clinique, donc on sait que ça peut avoir un effet. On l'a dit sur les spasmes musculaires liés à la sclérose en plaques. Ce sont à peu près pour le moment... Donc ça, des neuropathies musculaires aussi. et certaines formes d'épilepsie résistante. Chez des patients très jeunes, par ailleurs. Voilà, c'est ça. Et c'est parfaitement logique, puisqu'on sait, compte tenu du mécanisme, on sait que ça devrait pouvoir agir. Mais pas sur tout le monde, une fois de plus. Les champs, si j'ose dire, d'investigation, qui ont à voir avec toute l'histoire, d'ailleurs, du cannabis, on peut retrouver ça facilement dans bien des témoignages de l'Antiquité, même avant, à nos jours, c'est sur l'appétit et sur l'humeur. L'appétit, j'ai envie de dire, tous les parents des adolescents qui ont dévasté le frigidaire lors de ces crises de binge eating, vous voyez, connaissent... Les munchies, comme on dit en anglais, quand on a connaissent parfaitement l'effet orexigène du THC, je pense, principalement. Sur l'humeur, il a été beaucoup dit au-delà de l'effet d'enrobage, c'est-à-dire comment deux produits les plus concentrés dans la plante pouvaient essayer de s'équilibrer à un droit à gauche, on disait, mais peut-être un peu en haut, en bas, c'est difficile de filer la métaphore, mais toujours est-il que sur l'humeur, il y a un vrai questionnement. Sur la douleur, n'oublions pas ce qui se joue, c'est que la plupart des humains que nous sommes sont des êtres douloureux. C'est-à-dire que plus ils avancent en âge, plus ils ont tendance à avoir des douleurs chroniques ou quotidiennes. Et les travaux israéliens, grand pays de la recherche sur le cannabis depuis 1960, c'est les années 60 pour les récepteurs. Les récepteurs, c'est 71. Ou 80, voilà. Bon. Et l'anandamide, le ligand de la félicité, voilà, en quelque sorte, s'en utilise chez les seniors pour diminuer la consommation des antidouleurs, des somnifères, des tranquillisants, voire des antidépresseurs. Donc ça aussi, ça va être évalué. Mais là, je rejoins ce qu'on évoquait. Quelle complexité ! Parce que pour évaluer le confort, déjà la douleur, on a nos réglettes, c'est sur 10. Mais voyez, pour évaluer si quelqu'un est un peu mieux sur un différent nombre de symptômes cliniques. N'oublions pas que c'est un euphorisant. Bien sûr. Donc un euphorisant par rapport à la douleur, vous voyez que ça peut intervenir. Les morphiniques montrent bien ça, c'est-à-dire qu'ils sont efficaces contre la douleur, mais ils sont aussi efficaces, si j'ose dire, sur une sorte de détachement beaucoup plus psychologique. D'ailleurs, je vais vous renvoyer, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, vers le grand reportage Interception qui est diffusé chez nos camarades de France Inter dimanche à ce propos, et justement qui est allé voir en Israël comment se passaient ces recherches. Deux mots pour conclure sur les cannabinoïdes. Je vous demandais des réponses un peu brèves pour qu'on ait le temps de parler aussi des autres molécules. Première remarque, les opposants pointent justement le manque de rigueur d'évaluation de ce type de molécules en disant c'est comme le baclofène, c'est une nouvelle entorse au processus scientifique de validation et de mise sur le marché de médicaments. Est-ce que c'est recevable, Jean-Paul Tassin, selon vous ? Non, ils ont beau jeu de dire ça. Entre le baclofène, donc, qui est un agoniste GABA-B, dont on connaît l'action, qu'on a pu étudier sans grosse difficulté, et le cannabis, on est dans deux mondes différents. Donc on ne peut pas dire reprocher aux scientifiques de ne pas avoir de résultats définitifs sur le cannabis. En revanche, par rapport au baclofène, oui, on peut, parce que c'est une molécule, on peut étudier plus facilement et on peut en connaître les conséquences, etc. Mais quand vous faites une IRM sous cannabis, vous avez des modifications d'activité dans toutes les zones. Et dernier mot, peut-être William Lovenstein, sur le spectre qui est devenu la crise des opioïdes aux États-Unis. Est-ce que finalement légaliser, généraliser l'usage de ce type de médicament, finalement, et en faire un médicament de consommation relativement courante, comme vous l'avez souligné en Israël, des petites douleurs, des troubles, ça n'est pas prendre le risque. La France a résisté à la crise des opioïdes parce qu'on avait une législation très dure, très contraignante et plus encadrée. Est-ce que ça n'est pas prendre le risque d'arriver alors, sur un état de dépendance générale de la population, pour le dire. Sur la discussion sur le cannabis thérapeutique, comme sur la crise des opioïdes, si vous m'y autorisez, Nicolas, un lien, puisque en différé, nous continuons avec SOS Addiction et la Mildeca, de proposer d'un clic, où que vous soyez, un Congrès national sur les addictions, avec deux très belles sessions, dont une sur le cannabis thérapeutique. On peut le retrouver sur le site de SOS Addiction, mais on peut le retrouver aussi sur le site des différents partenaires, la Mildeca, Fédération Addiction, IVMHealth.com également. Et on l'a posté tout à l'heure sur le fil Twitter super, de l'émission. Merci, vous avez merci le lien à vous, parce que ce sont des discussions un peu historiques, ce qui est en train de se passer. Et je vais, pardonnez-moi pour ce petit détour. Mais je pense qu'il peut être utile, parce que ce sont des séances de 40 minutes très intenses et très précises avec des personnes rigoureuses. Sur la crise des opioïdes. Pour moi, c'est une des conséquences, si j'ose dire, du libéralisme et du cynisme commercial aux États-Unis. Justement, est-ce que la mise sur le marché massivement de médicaments à base de cannabinoïdes ne n'ouvre pas la porte à une sorte de crise qui deviendrait non pas la crise des opioïdes, parce que peut-être que ce sont des substances moins dangereuses, mais en tout cas d'une vaste ouverture à la dépendance collective. En termes de dangerosité, l'absence d'overdose, hein, puisqu'on parlait de ça aux opioïdes, l'absence d'overdose connue avec le cannabis, ça ne veut pas dire que les cannabinoïdes, surtout de synthèse, ne puissent pas avoir sur la régulation thermique, par exemple, des inconvénients comme un certain nombre de médicaments, dont les neuroleptiques, avec vraiment des complications qui peuvent être très graves. Absence d'overdose ne dit pas absence de dépendance. Voilà. Alors après, sur le taux de dépendance, il serait normalement encore moindre que celui qui a été rappelé par Jean-Paul tout à l'heure pour les opiacés dans les bonnes indications aux bonnes doses, d'où l'importance d'une régulation. Je rappelle sans cesse que nous sommes en France avec, si j'ose dire, la chance ou la malchance d'avoir les deux modèles. Un modèle de légalisation sur l'alcool et le tabac qui nous conduit à 130 000 décès par an, totalement sous-estimé. Donc n'attendons pas de la légalisation qu'elle régule absolument tout. Et un modèle de prohibition sur le cannabis qui a fait de nous quasiment le principal pays pour les adolescents consommateurs d'une substance dont la prévention avait été confiée à Mafia sans frontières. Donc au boulot et cherchons une troisième voie plus sage. 42% de jeunes qui fument du cannabis. Donc, je pense que certains disent que c'est plus facile, effectivement, de se procurer du cannabis sous le manteau que d'aller en trouver de façon officielle. Des patients, hein, oui, bien sûr. Des patients, oui. Donc, au-dessus du jardin, ton expression, ton chagrin. Tu as lâché ma main. Comme si de rien n'était, de l'été, c'est la fin. Les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe. Au-dessus du jardin de Serge Gainsbourg à 16h, bientôt 40 minutes déjà sur France Culture, puisque la dépression, c'est l'une des pathologies qui est traitée par l'usage thérapeutique de ces stupéfiants, de ces molécules qui sont encore classées comme stupéfiants, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans la méthode scientifique en compagnie de Jean-Paul Tassin, qui est neurobiologiste, directeur de recherche émérite INSERM à Paris-Sorbonne, et William Lovenstein, qui est médecin spécialiste des addictions et président de SOS Addiction. Alors, on a beaucoup parlé des cannabinoïdes dans cette première partie, mais il n'y a pas que le cannabis dans la vie, il y a aussi la kétamine, et oui, qui est, rappelons-le d'ailleurs, un anesthésiant couramment utilisé en bloc opératoire, mais aussi en usage récréatif, et tout récemment, à la fin du mois dernier, la FDA américaine, donc la Food and Drug Administration, a autorisé la commercialisation d'un spray nasal à base de kétamine pour traiter justement donc les cas de dépression résistante. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui a expérimenté la kétamine en psychiatrie. Oui, et c'est plus précisément un dérivé de kétamine, l'esquétamine, qui a été expérimenté pour traiter des personnes souffrant de dépression résistante aux médicaments. Pierre de Maricourt est psychiatre et chef de service au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Il nous explique comment s'est déroulée l'étude internationale à laquelle il a contribué et qui prouve les effets bénéfiques de l'esquétamine dans le cadre du traitement de la dépression résistante. Il nous détaille également dans quel contexte on pourrait prescrire l'utilisation de ce spray nasal à base d'esquétamine et suivant quel encadrement. « le constat est que la dépression, qui est une maladie très fréquente, hein, c'est la possibilité de vivre un épisode dépressif dans sa vie fait qu'une personne sur cinq fera un épisode dépressif dans sa vie, ce qui est une proportion extrêmement importante de la population. On sait que les traitements actuels, enfin en tout cas tous les traitements développés au cours dans la deuxième partie du XXe siècle, ont des limites importantes. Elles ont d'ailleurs deux limites. La première étant que beaucoup de patients ne répondent pas à ces traitements. Et on considère que 30% des patients sont résistants au traitement. La deuxième limite, c'est leur lenteur d'efficacité, puisqu'il faut plusieurs semaines, on dit 6 à 8 semaines, pour qu'un antidépresseur soit efficace, et qui laisse une période de grande fragilité pour nos patients, puisque le risque principal de la dépression, en tout cas, c'est le risque suicidaire, que plus de 10% des patients vont mourir par suicide, et que cette période laisse les gens dans une grande vulnérabilité. Donc c'est le constat de la prise en charge de la dépression. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis le début des années 2000, on a montré, un peu au hasard d'ailleurs, que de très faibles doses de kétamine avaient un antidépresseur extrêmement puissant. Puissant à deux titres. Un, parce que il y a un effet antidépresseur chez des patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Et deuxièmement, que la vitesse d'amélioration est extrêmement spectaculaire, puisque je vous disais plusieurs semaines pour les antidépresseurs classiques. Et là, en quelques heures, les patients s'améliorent, ce qui est vraiment une cinétique d'amélioration qu'on connaissait pas jusque-là dans le traitement de la dépression. Et alors, fort de ces premiers essais sur la kétamine, ce laboratoire a développé l'esquétamine, un énantiomère de la kétamine, avec l'idée que cet énantiomère a en plus une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur que va viser la kétamine. Son effet sur le récepteur NMDA, c'est un récepteur du glutamate, au niveau cérébral en particulier. Donc c'est l'idée, c'est développer cet énantiomère parce qu'il a une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur. L'autre idée était aussi de développer une autre modalité d'administration, puisque la kétamine ne peut s'administrer que par voie parentérale, par voie intraveineuse, parce que la molécule est très vite dégradée par l'organisme si on la prend par voie orale. Bon, la voie intraveineuse, ça peut être c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ça nécessite beaucoup plus de monde, il y a un risque de surdosage quand on prépare la seringue, etc., etc. Et l'idée était de développer une autre galénique, et c'est pour ça que le laboratoire a décidé de développer une forme par pulvérisation intranasale, par un spray. Donc là, où est-ce qu'on en est finalement? On va bientôt pouvoir, certains patients pourront bientôt être traités avec l'esquétamine. Alors, dans ces études, il a été montré, il a été confirmé l'efficacité de l'esquétamine dans le traitement de la dépression. Et du coup, les demandes d'autorisation de commercialisation ont été déposées aux États-Unis et en Europe, à la fin de l'année 2018, mais on a eu une réponse de l'autorité américaine du médicament, qui est la FDA, positive, pour une commercialisation dans l'indication de la dépression résistante. En Europe, pas pour le moment, puisque les dossiers sont toujours à l'étude, même si on peut espérer que ce traitement, si les agences confirment l'intérêt, puisse être commercialisé à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Est-ce que, si on rentre un peu dans le détail, quelle posologie on envisage, quel mode d'administration et avec quelle régularité finalement les patients qui seront traités avec l'esquétamine devront recevoir cette pulvérisation nasale? Un point important, et c'était toute la nécessité de ces protocoles, c'est que on sait que ce traitement est efficace, mais l'effet d'une administration est transitoire. C'est-à-dire qu'après une administration, l'effet va s'estomper au bout de quelques jours. Et donc l'idée était aussi de trouver le bon mode d'administration pour maintenir cet effet. Ce qui a été fait dans ces études, en tout cas, c'était de répéter les administrations pour maintenir l'efficacité et petit à petit espacer les administrations. Alors ça c'est un schéma qu'on connaît en psychiatrie dans le traitement de la dépression, quand on utilise non pas les antidépresseurs médicamenteux conventionnels, mais quand on utilise une autre modalité de traitement qui est l'électrostimulation. En effet, on va répéter les administrations pour consolider l'amélioration clinique. Donc là, ce qui est utilisé sont des très faibles doses d'esquétamine, c'est quelques milligrammes. Alors dans les essais, il y a eu plusieurs doses utilisées, entre 28 et 84 milligrammes par jour, en pulvérisation intranasale, avec une fréquence de 2 fois par semaine au début, puis quand les patients s'améliorent, quand les patients sont en rémission de la dépression, en espaçant les prises à 1 fois toutes les semaines, puis 1 fois toutes les 2 semaines. L'autre point à avoir en tête, c'est que si les patients n'étaient pas hospitalisés forcément au long cours, ils devaient en tout cas venir à l'hôpital pour l'administration qui devait se faire avec une certaine surveillance. Évidemment, ce ne sera pas un traitement qu'on a dans un sac à main et qu'on s'administre quand on a un coup de mou. Évidemment, ça, c'est une prescription encadrée de par déjà la loi, puisque c'est un stupéfiant et qu'il est à administration très réglementée, mais également parce que l'administration nécessite une surveillance dans les minutes qui suivent l'administration, et classiquement dans les essais auxquels on a participé, les patients étaient surveillés pendant 1 heure et demie après l'administration. Alors pourquoi cette surveillance ? Parce que il y a deux types d'effets secondaires qui peuvent se présenter, enfin deux grands types on va dire, des effets cardiovasculaires parce que de par les caractéristiques de cette molécule qu'on connaissait d'ailleurs hein, comme anesthésiant, peut y avoir une augmentation de la pression artérielle transitoire et modérée. C'est-à-dire quand je dis transitoire, c'est qu'elle ça va apparaître dans les minutes qui suivent l'administration, mais diminuer, s'amender dans l'heure et demie qui suit. Éventuellement une augmentation si la fréquence cardiaque, même si il y a eu aucun effet indésirable grave concernant ces effets indésirables là. L'autre type d'effet indésirable, c'est évidemment celui qu'on peut imaginer, c'est des effets de dissociation, de déréalisation, de dépersonnalisation, encore une fois qu'on connaît bien avec cette molécule, qui peuvent arriver même à faible dose comme dans le traitement de la dépression. Alors comme tout effet indésirable qui n'est pas systématiquement présent, mais qui nécessite d'être un peu encadré évidemment. Voilà le reportage du jour à l'hôpital Sainte-Anne à Paris sur cette utilisation en psychiatrie de la kétamine. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, William Lovenstein ? Je vais commencer de façon générale parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'on arrive, après des décennies, à une sorte d'hégémonie, que ça soit pour les tranquillisants et somnifères qui se résument maintenant quasiment qu'aux benzodiazépines, et pour les antidépresseurs, aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, avec les limites qui ont été rappelées, dont cette limite de l'inefficacité qu'on associe de plus en plus à des déficits d'une protéine de transport qu'on peut tester, c'est-à-dire que le test n'est pas remboursé, mais il existe quand même là aussi une possibilité de dire vous allez être résistant ou pas. Simplement, le test mis sur le marché coûte 400 à 300 euros. Après, un mot juste, oui, William Lovenstein, oui. Excusez-moi de vous interrompre, non, c'est dépression résistante, ça n'est pas anecdotique en termes de pourcentage des patients. C'est un tiers de la population testée. Voilà, c'est important de le préciser. Et là, juste le clinicien qui laissera la parole au grand neurobio après, c'est que les sevrages, moi, les plus vertigineux au sens inconfort du terme sur la durée, sur le mal-être auquel j'ai pu assister, c'est-à-dire des sevrages de 3 à 6 mois, c'est avec des antidépresseurs de cette catégorie-là. C'est-à-dire des personnes qui, après 5 ans, 10 ans, 15 ans... Ah non, diazépam, ça, dans les benzos, voilà, dans tout ce qui est les antidépresseurs, justement, classiques. Les diazépam, attention, c'est avec l'alcool, les seuls sevrages qui peuvent tuer s'ils sont pas médicalement entraînés par l'état de mal, la crise convulsive, l'épilepsie qui était citée. Donc on sort, si vous voulez, d'un champ qui, pour des raisons commerciales, à mes yeux, s'est beaucoup réduit à deux types de molécules, somnifères et tranquillisants d'un côté résumé sous le chapeau benzo, et puis antidépresseurs, en sachant qu'il fallait augmenter les doses, mais quoi, ça marchait pas, avec un sevrage là vraiment délicat, c'est-à-dire que la plupart des patients au bout de 4-5 ans qu'on pouvait voir en addictologie, hein, c'est particulier, on avait deux inquiétudes. La première, c'est qu'on avait l'impression qu'avait été traité l'addiction comme une dépression, alors qu'ils étaient plutôt dans une hyperactivité, donc plus ils mangeaient d'antidépresseurs, plus ils étaient addicts, mais c'est pas grave, on augmentait les antidépresseurs, et le jour où on se rendait compte qu'il fallait arrêter ces antidépresseurs, c'était presque plus compliqué que d'arrêter des opiacés. Jean-Paul Tassin, quand on voit effectivement, quand on entend ce reportage par rapport à ce que vient de dire William Lovenstein, on se dit que qu'est-ce qui se passe ? C'est que la recherche, les laboratoires se sont aveuglés, il y a une pression morale pour l'utilisation de ces molécules qui donnent des résultats. On pourrait parler des psilocybines sur les dépressions résistantes, qui donnent des résultats spectaculaires. Peut-être un mot sur la kétamine, bien sûr. Là, on a changé de catégorie. On disait dangereux les cannabinoïdes, on ne sait pas, peut-être que... Mais là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a un produit qui déclenche des dissociations. des dissociations, ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas dans la glace. Vous ne savez pas que vous êtes vous, dépersonnalisation. Donc c'est quelque chose d'assez fort, et on l'a entendu, même à faible dose. Et c'est en plus un anesthésique. Bon, troisième point, ça marche très vite. Or, une dépression guérie en quelques heures, ça n'a aucun sens. Une dépression, ça met plusieurs semaines à s'installer. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas espérer que vous allez la traiter en quelques jours, en quelques heures. Non, et puis, il n'est pas question, donc, on est dans une émission scientifique, donc on sait bien qu'il n'y a pas de médicament miracle, non, et que tout ça doit être accompagné d'une thérapie. Si vous prenez de l'amphétamine, si vous donnez de l'amphétamine à faible dose chez un déprimé, il ira beaucoup mieux. Cocaïne y compris. Mais pas longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire quelque chose que l'on sait déjà, et c'est pas un antidépresseur. C'est un produit qui a un effet rapide, spectaculaire, et qui éventuellement pourrait servir dans certains cas de tendance suicidaire ou des choses comme ça. Oui, mais vraiment, je pense qu'il a amélioré les indications. C'est-à-dire, l'imaginer en antidépresseur chronique avec cette amélioration rapide, plus proche de la coke que des mécanismes qu'on connaît, ça nous invite en effet à la prudence. Après, dans les crises d'asthme aiguë, la ventoline, tu vois, ça marche très rapidement aussi. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on n'est pas dans le reportage. Dans le reportage, c'est mis en parallèle avec l'électrostimulation. Oui, mais aucun rapport, justement. Voilà. Ce que fait l'électrostimulation, c'est qu'il va désensibiliser certains récepteurs et qu'il faut les refaire pour arriver à cette désensibilisation. Ce qui n'est pas le cas, là. Donc vous dites vraiment des cas très particuliers et il ne faut pas le voir comme une sorte de remède miracle sur lequel on aurait fermé les yeux pendant des années à cause justement d'une sorte de chape morale liée à la nature stupéfiante de la molécule. Et puis là, j'ai entendu que les antidépresseurs mettaient 6 semaines, 8 semaines à agir. C'est très, très exagéré. C'est 3 semaines officiellement. Mais il y a des tas de malades qui vont beaucoup mieux en 15 jours. 10 à 15 jours. Donc, vous voyez, ce qui correspond à quelque chose de réaliste, parce que on peut penser qu'un déprimé est quelqu'un qui a modifié le traitement de son signal de façon assez importante et qu'il va falloir du temps, 10 jours, 15 jours, pour retrouver un fonctionnement normal, mais pas en une heure. Est-ce que ces molécules ne peuvent pas avoir la vertu, précisément, d'avoir un effet spectaculaire immédiat qui permet le retour d'un accès à un traitement au long cours, thérapeutique, plus classique, de reprendre accès à quelqu'un qui est en échec complet à suivre, c'est-à-dire, on peut imaginer que si on est au fond de la piscine, pour reprendre un peu le Gainsbourg de tout à l'heure qu'on évoquait indirectement, ça puisse être utile, et moi je trouve ça là aussi passionnant. Non, si vous voulez qu'on affine vraiment les indications comme les précautions. Qu'on n'ait pas... Parce que l'addictologue que je suis, c'est au moins une chose, c'est que plus une substance psychoactive est rapide au sens efficacité rapide du terme, plus il faut s'en méfier. Exactement. Vous voyez, parce que les déséquilibres que Jean-Paul connaît bien dans toute cette magie du cerveau qui a mis juste quelques dizaines de milliers d'années à trouver entre le GABA et le glutamate et compagnie une forme, aller d'homéostasie, bien sûr que ça va être spectaculaire. Mais c'est justement ça, derrière les coulisses, qu'est-ce qui va se passer derrière le spectacle? Regardons un peu ce qui risque de se passer. Mais je trouve ça passionnant, à condition qu'on reste extraordinairement rigoureux dans ces histoires-là. On rejoint le discours sur les cannabinoïdes. Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Si demain on entend, par exemple, écoutez, kétamine, c'est merveilleux, on fait parler 10 patients qui, au bout de 3 semaines, vont vraiment très bien alors qu'ils n'allaient plus jamais bien, je veux dire, c'est la même chose que je peux faire avec de la cocaïne. Ça, je vous l'assure, si je leur donne. Mais je leur donnerai pas, mais en connaissant les énormes inconvénients quasiment psychotiques, maniaco-dépressifs. Jean-Paul Tassin. Oui. Alors, vous parliez de la psilocybine. Les psilocybines qui sont les dérivés des champignons hallucinogènes. Oui, et puis, bon, là, on est encore sur une troisième catégorie. Donc, c'est l'hallucination, l'hallucinogène. Donc, effectivement, on pourrait imaginer, parce que ce que font faire ces produits, c'est qu'ils vont intervenir sur une transmission qui est la transmission sérotoninergique. Mm-hmm. Et qui est une transmission qui est tout à fait particulière, parce que si on la bloque avec les hallucinogènes, j'ai envie de le dire techniquement, c'est-à-dire qu'on met les récepteurs 5-HT2A dans une situation ni active ni inactive. Il est entre les deux, il est bloqué. À ce moment-là, vous avez les hallucinations qui apparaissent. Donc vous pouvez potentiellement, avec ce produit, modifier la façon dont le système nerveux central de l'individu fonctionne. Donc vous avez une petite chance de créer un déséquilibre qui peut finalement donner quelque chose, éventuellement avec des antidépresseurs derrière, qui va faciliter l'activité du produit qui arrivera derrière. Mais en tant que tel, seul, il y a très peu de chances pour que ça puisse être utilisé. La FDA alors, vient de donner l'autorisation à un laboratoire pharmaceutique qui vient de mener un essai clinique sur des cas de dépression résistante avec des médicaments dans lesquels il y a un peu de psilocybine, d'être vraiment des doses extrêmement faibles. Mais en revanche, le MDMA a un autre mécanisme. Alors le MDMA, c'est le principe actif de l'ecstasy. Lui, il a un autre mécanisme. C'est une méthamphétamine. C'est une méthamphétamine. Pas une méthamphétamine. C'est une amphétamine. Méthoxyde. Non, attention, c'est pas la même chose. Oui, d'accord. D'accord. Bon, mais, donc le MDMA, lui, il a un processus légèrement différent. C'est que non seulement il bloque la recapture, la recapture des sérotonines, comme le font les antidépresseurs, mais en plus il augmente la libération. Donc c'est un antidépresseur un peu plus actif, potentiellement. Moyennant quoi, il a les effets que l'on connaît, à savoir des effets neurotoxiques. C'est une des seules drogues qui existe dans le commerce, si je puis dire, illicite, c'est une des seules drogues qui ait des effets aussi neurotoxiques. On sait que un consommateur de MDMA de façon régulière est quelqu'un qui va perdre des neurones à sérotonine, c'est-à-dire qu'ils vont dégénérer. Et là, ça peut entraîner des dépressions. Donc on a un phénomène dépressogène. Ce qui explique qu'aujourd'hui, néanmoins, tout cela est rendu possible par une recherche qui redémarre un peu sur ces molécules. Mais ce que vous dites aujourd'hui, c'est que finalement, dans l'état actuel de la littérature scientifique, on voit que ce sont des molécules qui sont intrinsèquement limitées et qui n'ont pas finalement les effets escomptés que l'on pourrait imaginer. Des effets. Si j'avais à parier, moi, je parierais sur le cannabinoïde. Le cannabinoïde, c'est une recherche complexe qui va être longue, mais qui devrait pouvoir donner des résultats assez spectaculaires. William Lovenstein, pour conclure, les cannabinoïdes à usage thérapeutique, c'est aussi un marché considérable, qui est estimé à 56 milliards de dollars à l'horizon 2025. Aujourd'hui, on constate que, pour une grande partie, ça pose la question de la prescription, ça pose la question des usages, ça pose la question aussi de la culture, étatique ou non. La rigidité des pouvoirs publics, pour le moment, a plutôt tendance non pas à pousser ce marché-là dans le secteur des grands laboratoires pharmaceutiques, mais plutôt dans ceux des cigarettiers, voire des brasseurs ou des débits de boissons. Est-ce que ça n'a pas un problème? Est-ce que ça n'entretient pas un peu la confusion tout de même? Ouais, vous l'avez dit, marché considérable, et en effet, les dernières grandes réunions aux États-Unis sur le cannabis vous donnent plus l'impression d'être dans une réunion d'avocats ou de financiers, enfin un truc qui n'a rien à voir avec l'image des années 70. On parle d'introduction aux bourses, et puis taux du marché, enfin c'est devenu une histoire très très très sérieuse. Ça y est, ça a basculé. Les États-Unis, vous savez, ont la capacité comme ça de prohibé pendant un siècle, et puis tout d'un coup libéralisé, et puis après avoir imposé des conventions internationales que les Français adorent suivre officiellement, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Heureusement que nous, on est beaucoup plus prudents. Alors, est-ce que c'est prudent d'envisager un certain nombre de choses qui ont déjà lieu aux États-Unis, hein? C'est-à-dire que Big Tobacco a investi déjà dans l'industrie du tabac, comme il essaye de le faire avec la vape, vous voyez, pas perdre le contrôle, mais aussi avec le cannabis, de garder la main mise sur ces évolutions sociétales qui sont somme toute plus protectrices que l'absence, encore une fois, de toute régulation, en pensant que la prohibition pouvait protéger. Alors, c'est vrai qu'en France, que ça soit pour les buralistes qui sont assez facilement reçus en haut lieu, et puis pour les alcooliers encore plus reçus en haut lieu, on aimerait qu'il y ait des circuits transparents, régulés, qui ne se laissent pas emporter par un libéralisme débridé. Je pense que nous pouvons faire confiance à ceux qui mènent ces dossiers actuellement, que ça soit Nicolas Autier, Olivier Véran, Jean-Baptiste Moreau pour la Creuse, etc. La Creuse qui cherche à être un département justement pilote pour la culture de cannabis à usage médical. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci l'un et l'autre d'être venu nous parler de ces usages thérapeutiques des stupéfiants. Merci Jean-Paul Tassin, merci William Lovenstein, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Neguet-Saint-Vulfran, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard, la réalisation, Audrey Guély, la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous partirons loin sous une épaisse couche de glace à la recherche d'activités sismiques et peut-être même de vie, qui sait, Europe, Ganymède, Encelade, Callisto. Nous parlerons des lunes glacées dans notre système solaire demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.